Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3. Question 170. Des préceptes de la tempérance. Préceptes de la tempérance. Préceptes touchant ces parties. 1. Les préceptes de la tempérance sont-ils convenablement formulés dans la loi divine ? Le décalogue renferme les commandements qui nous conduisent plus directement à l'amour de Dieu ou du prochain. Or l'adultère, par lequel on usurpe le bien d'un mari en abusant de sa femme, est, entre tous les péchés opposés à la tempérance, celui qui blesse le plus l'amour du prochain. C'était conséquemment ce péché qui devait être défendu dans la loi divine, quant à l'acte et quant au désir. 2. La loi divine formule-t-elle convenablement les préceptes qui concernent les vertus annexées à la tempérance ? Les vertus annexées à la tempérance, si on les considère en elles-mêmes, n'ont pas un rapport direct avec l'amour de Dieu et du prochain, elles concernent plutôt la modération que l'homme exerce envers lui-même. Sous ce point de vue, elles n'ont pas dû figurer dans le décalogue. Cependant, comme elles peuvent se rattacher à l'amour de Dieu et du prochain par leurs effets, on y trouve des préceptes qui défendent les actes des vices opposés à la tempérance. Ainsi, dans la défense de l'homicide est comprise celle de la colère, opposée à la douceur. De même, dans le précepte qui prescrit l'obéissance aux parents est implicitement renfermée la prohibition de la colère et de l'orgueil. L'orgueil est spécialement défendu par les préceptes de la première table. Note. Quoique l'orgueil soit le commencement de tout péché et que les préceptes de l'humilité et de la douceur portent principalement à l'observation de la loi, le décalogue, qui contient les premiers principes connus par eux-mêmes, n'a pas dû en faire mention. Tous les hommes ne se rendent pas compte du dérèglement de ce vice, caché dans le cœur. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.